Allô. Allô chérie, bonjour, c'est moi. Je sors de chez le docteur. Tu sais ce qu'il m'a dit? Que j'étais au bord de la dépression. Oh, tu vas sourire. Je souffre d'une peine intérieure très profonde. Oh, c'est pas très grave, mais j'ai un manque d'affection. Je...